Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous allons terminer notre semaine en commençant le chapitre 11, où est-ce qu'on parle des deux témoins de l'Apocalypse. C'est ainsi qu'on les appelle habituellement. Notre Père du ciel, encore une fois, on se tourne vers toi. Est-ce que nous voulons voir, Seigneur? En premier dans ce livre de l'Apocalypse, c'est toi, c'est Jésus. C'est ce que nous voulons voir. Nous ne voulons pas voir une boule de cristal qui va nous dire qu'est-ce qui va arriver demain. Car je crois que ce livre est là pour te révéler toi et révéler ton Fils. Et révéler l'avenir de l'Église et du monde. Ce qui va nous donner de persévérer, c'est toi. Ce qui va donner aux gens de se repentir, c'est toi. Donc, montre-nous ta face et celle de ton Fils Jésus. Amen. Donc, si vous voulez, je vais résumer un petit peu. On a vu sept trompettes qui ont été enclenchées par le sixième sceau. Et on a vu que les quatre premières trompettes ont emmené des catastrophes qui ont détruit le tiers de tout ce qui existe, tiers de la terre, le tiers de la mer, le tiers de l'eau, le tiers de la lumière. Ensuite, on a vu la cinquième trompette, qui était l'arrivée du premier malheur en même temps, qui était les sauterelles qui venaient piquer les hommes pendant 5 mois. Ensuite, on a vu la sixième trompette qui est le deuxième malheur et on a vu une grande armée qui a été lâchée sur le monde et qui a fait mourir le tiers des hommes. Et ensuite, on a vu le chapitre 10 où est-ce qu'un ange s'adresse à Jean pour lui dire « Lorsque la septième trompette va s'ouvrir, il n'y aura plus de délai et la colère de Dieu va s'accomplir ou le mystère de Dieu va s'accomplir. » Et à la fin du chapitre 10, il dit qu'il doit prophétiser à beaucoup de nations et de monde encore. Et je crois que ce dernier verset-là rouvre le chapitre 11, où est-ce que les deux témoins vont prophétiser dans le monde aussi. Donc je crois qu'il y a une relation entre les deux, là, selon ma compréhension. Mais nous allons commencer par lire au chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 13. On me montra un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Les hommes d'entre les peuples, des tribus, des langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu du ciel. Donc, pendant que Jean est dans le ciel et qu'il y a eu cette vision de l'ange qui avait donné le petit livre à manger, juste à la fin de ce moment-là, on lui donne un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Ici, l'auteur dit, mesure ceux, le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Il fait une séparation entre ceux qui sont dans le temple et qui adorent Dieu, et ceux qui sont à l'extérieur du temple, qui sont sur le parvis à l'extérieur, et qu'ils sont là pour faire du mal à la ville sainte pendant 42 mois. Ils vont l'attaquer, ils vont mettre des pressions sur elle, ils veulent les détruire, ce qui représente Dieu. Oh, je vous dis, je sais qu'il y a plein d'interprétations de ces textes-là. Moi, je veux qu'on y voit tout simplement le message qu'il y a là. Parce que des fois, on s'enfarge dans les détails, dans les interprétations, qui finalement, à la fin, on n'adore pas Dieu. Le but, c'est d'adorer Dieu ici, là. Le but, c'est de louer Dieu, là. Si votre interprétation vous amène pas là, ben de valeur. Vous n'atteignez pas le but de l'Apocalypse. Donc, il dit, il y en a un groupe qui est dans le parvis de Dieu, qui est avec Dieu et qui adore Dieu. Ça fait pas mal penser aux chrétiens, n'est-ce pas? Ça représente ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment Jésus, ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Il y en a une autre gang qu'eux autres foulent aux pieds la ville sainte, qui est la ville de Dieu. Et là, il dit au verset 3, qui fait partie du deuxième malheur, que le monde va être tourmenté pendant une période de temps. Si on prend pendant 1260 jours, c'est qu'il vaudrait être 3 ans et demi. Vous pouvez prendre littéral si vous voulez, ou symbolique si vous voulez. Le fait que c'est un style littéraire apocalyptique, on peut se permettre certaines interprétations symboliques facilement. Donc, il dit, je veux avoir 2 témoins. Et ces 2 témoins-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tourmenter le monde. C'est ce qui est dit au verset 10. Ils se réjouissent de la mort de ces 2 prophètes parce qu'ils ont tourmenté les habitants de la terre. Souvenez le petit livre, Amertume. Il faut que tu prophétises à beaucoup de peuples encore. Donc, Dieu prend 2 témoins ici. Il y en a qui disent que c'est Élie et Moïse ressuscité parce que ce qu'ils vont faire, ça ressemble à ce que Élie a fait, ce que Moïse a fait. Jusqu'à certains points, si vous me permettez, je me fous un peu des témoins. C'est le message que je veux avoir. Moi, je me fous du facteur. Je veux avoir la lettre qui arrive de mon fils ou de ma fille ou de ma femme ou de mon ami. C'est la lettre que je veux, c'est pas le facteur qui m'intéresse. Les 2 témoins ont le pouvoir de prophétiser, donc ils vont parler. Je veux savoir qu'est-ce qu'ils vont dire. Pourquoi ils sont là? Pourquoi Dieu les envoie, ces 2 témoins-là? Et il parle de la part de Dieu. Il amène un message de la part de Dieu. Et au verset 5, si quelqu'un veut leur faire du mal, il sort de leur bouche un feu qui dévore leur ennemi. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de la sorte. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel et qu'il ne tombe pas de pluie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sel, de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Donc, ces deux personnages-là, qu'ils soient des anges, ou qu'ils soient des êtres humains, ou qu'ils soient des êtres ressuscités, ce qui est important, ils vont tourmenter ceux qui foulent au pied la ville sainte. Ils vont tourmenter ceux qui foulent au pied ceux qui adorent Dieu. Ils vont tourmenter les habitants de la terre avec toutes sortes de fléaux, toutes sortes de difficultés. Ils vont faire mourir beaucoup de monde qui vont s'attaquer à eux pour les arrêter. Au verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Mais on ne l'a pas encore vue, elle, on va la voir un peu plus loin. Mais cette même bête-là, mais qui a fini, eux autres, de prophétiser pendant les 1260 jours, parce que la période que Dieu leur a donnée, la bête va les vaincre et va les tuer finalement. Au verset 8, il dit que leur cadavre va être exposé dans la grande ville, nommée Sodome et Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. Donc, on est obligé de penser que c'est Jérusalem. Hein? Jérusalem, la même pensée que le temple tout à l'heure qu'on a mesuré. Le monde entier voit leur cadavre de ces deux témoins-là. Aujourd'hui, c'est plus facile d'imaginer que avec toute la technologie qu'on a, ça va être facile que tout le monde voit que les deux personnes, les deux personnages qui ont, ces deux témoins-là qui ont fait souffrir la terre pendant 3 ans et demi ou pendant 1260 jours, pendant cette période de temps, les gens vont se réjouir et ils vont s'envoyer des cadeaux, ils vont faire la fête. Enfin! Quelqu'un a réussi à les vaincre et à les faire mourir. Enfin! On est débarrassé de ces deux témoins qui viennent de Dieu. Enfin, on est débarrassé de ces deux-là qui prophétisent quoi? Selon ma bonne compréhension, ils prophétisent la destruction du monde. Ils prophétisent le jugement de Dieu. C'est pour ça qu'on les déteste. Mais à leur grande surprise, après 3 jours et demi, après une période de temps, ou si vous voulez prendre ça littéral, après une période de temps, il y a un esprit de vie qui vient sur eux et ils ressuscitent. Il y a une voix qui vient du ciel, qui les appelle et qui leur dit, revenez, venez ici, montez au ciel. Et ces deux témoins-là se lèvent et sont enlevés dans le ciel et ils montent rejoindre Dieu. Et ça démontre facilement qu'ils venaient de Dieu. Et une grande crainte s'empare de ceux qui les voyaient. Je crois qu'ils ont peur. Ils ont peur que les deux témoins recommencent à leur faire du mal, je crois. Ou ils ont peur que le ciel s'acharne contre eux encore une fois. Parce qu'ils se sont réjouis de leur mort. Ils ont peur à une revanche de la part de ces deux témoins-là. À ce moment-là, après que les deux témoins sont partis et sont montés vers le ciel, il y a un autre fléau, un grand tremblement de terre, et 7000 personnes meurent. Moi, je vous dis tout le temps, faites attention avec les nombres. C'est souvent symbolique. Un peu comme Dieu avait dit à Élisée, je me suis conservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. C'est une façon de dire qu'il y a un groupe de personnes qui m'adorent encore. Ici, il y a des hommes qui vont mourir. dans ce tremblement de terre-là. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Est-ce que ça veut dire qu'ils se repentent? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et on va voir par la suite que ça va revenir encore une fois. Et les hommes ne se repentent pas encore. Donc, on a vu avant des autres fléaux, les hommes ne se repentirent pas. Et c'est pas le temps de la grâce est terminé. C'est le temps de la colère de Dieu. En tout cas, pour moi, c'est terminé. Ici, vous allez voir dans la Bible, à plusieurs reprises, il y a des gens qui vont dire, oui, oui, ça vient de Dieu, ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont se repentir. Beaucoup de gens ont vu en Jésus quelqu'un qui venait de Dieu, de la part de Dieu, mais qui se sont pas repentis. Beaucoup ont vu des prophètes de l'Ancien Testament qui disaient que ça venait de Dieu, mais qui se sont pas repentis. Ils voient que ça vient de Dieu. Ils voient que c'est Dieu qui fait ça. Mais dès les jours suivants, ils se rebellent contre Dieu et continuent dans leur folie. Nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Pourquoi peut-être que ces gens-là qui ont vu que ça venait de Dieu, qui finalement vont jamais vraiment se tourner vers Dieu, se repentir et croire. Ceci, au verset 14, dit « Le second malheur est passé. » C'est passé. Les deux premiers malheurs sont terminés. Ça n'a pas été drôle. Et l'ange nous a averti au chapitre 10 que quand le troisième malheur va arriver, quand la septième trompette va sonner, elle va enclencher les derniers jugements de Dieu, les sept coupes de la colère de Dieu. Ça va s'amplifier encore une fois. Donc, si je résume, à la fin des temps, pendant ce temps de difficulté de la manifestation de la colère de Dieu, Dieu va envoyer sur la terre deux témoins. Et ces deux témoins-là prophétisent contre la terre. Ils vont prophétiser l'accomplissement du mystère de Dieu. Mais ils vont être haïs. Ils ont haï les prophètes de l'Ancien Testament. Ils ont haï Jésus, ils ont haï les apôtres, ils ont haï l'Église, et Jésus a dit, ils vont, je reviendrai pas avant que toutes les nations vous haïssent. Ils vont haïr les deux témoins jusqu'au bout des doigts, et quand ils vont mourir, ils vont faire, ça va être une fête planétaire. On va se réjouir que ces personnes qui amenaient des fléaux et qui tourmentaient la terre sont enfin mortes. Mais Dieu démontre sa puissance en les ressuscitant. Il va enclencher ensuite les sept coupes de la colère de Dieu. Notre Père du ciel, nous voyons ici un Dieu qui est complètement en contrôle. Un Dieu qui accomplit sa volonté et son plan. Les hommes ne pourront jamais arrêter le plan de Dieu de s'accomplir. Seigneur, encore une fois, merci de nous montrer que tu as mis à part ceux qui t'adorent, afin qu'ils ne soient pas tourmentés avec les autres. Merci Seigneur Dieu, que tu vas éviter ces tourments à ton Église. Et on te remercie Seigneur Jésus, que c'est à cause de toi que nous évitons ces tourments. C'est pour ça que nous te prions en ton nom.